Pendant le souper, on parla de musique et il en parla bien. Il connaissait tous les grands virtuoses, tous les ouvrages célèbres, tous les acteurs, toutes les actrices, toutes les jolies femmes, tous les grands seigneurs. Sur tout ce qu'on disait, il paraissait au fait. Mais à peine un sujet était-il entamé qu'il brouillait l'entretien par quelque polissonnerie qui faisait rire et oublier ce qu'on avait dit. C'était un samedi. Il y avait le lendemain musique à la cathédrale. Monsieur le maître lui propose d'y chanter. Très volontiers. Lui demande quelle est sa partie. La haute contre. Il parle d'autre chose. Avant d'aller à l'église, on lui offrit sa partie à prévoir. Il n'y jeta pas les yeux. Cette gasconnade surprit le maître. Vous verrez, me dit-il à l'oreille, qu'il ne sait pas une note de musique. J'en ai grand-peur, lui répondis-je. Je l'ai suivi, très inquiet. Tant quand on commença, le cœur me battit d'une terrible force, car je m'intéressais beaucoup à lui. J'eus bientôt de quoi me rassurer. Il chanta ses deux récits avec toute la justesse et tout le goût imaginable, et qui plus est, avec une très jolie voix. Je n'ai guère eu de plus agréable surprise. Après la messe, M. Venture reçut des compliments à perte de vue des chanoines et des musiciens, auxquels il répondait en polissonnant, mais toujours avec beaucoup de grâce. Monsieur le maître l'embrassa de bon cœur. J'en fis autant. Il vit que j'étais bien aise, et cela parut lui faire plaisir.